monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. T'es déjà trentenaire, on s'en va en l'air. Mais j'ai que la vingtaine, donc j'ai que ça à faire. Me parle pas de mariage. Je te fais perdre ton temps. Mais qu'est-ce que c'est bon quand je passe tes implants. Je me sens comme avant, comme quand je n'avais rien à battre. Je suis jeune, m'en fous de l'avenir, de ce que notre relation va devenir. Mais pour lui ce n'est pas le cas, il a déjà un tapis. Le mec mature, mais tu sais qu'on lit plus que lui, j'assure. Rappelle-toi quand t'avais des courbatures. Je t'avais bien niqué ta race. Rappelle-toi bien de la suite, dans les hôtels et les suites. Je t'invitais aux soirées VIP, à la télé tu regardais mes clips. On l'a fait sans autotune, sur une brode de thunes somatique. C'est ma manière romantique de dire que je n'avais pas mis de préservatif. Le monde est à nous, le monde est à toi et moi. Mais peut-être que sans moi, le monde sera à toi. Et peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous. Et c'est peut-être mieux ainsi. Mes sentiments dansent la macarena. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. J'ai fait semblant de bien aller. Quand t'as démarré, que t'es allé chez lui, bah non j'ai rien dit. Pourtant je le savais que tu baisais pour t'évader. Après tout j'étais là que pour dépanner. Je vais pas trop m'étaler, saigner fallait. Blessé je l'étais, je t'ai remballé. Tu m'as remplacé, tu m'as délaissé. Mais comme tout salaud, je t'ai téléphoné. Je t'ai récupéré, puis je t'ai fait pleurer. Parce que j'en ai rien à foutre, c'est ça la life. Qu'est-ce que tu croyais? Tu baises avec moi, tu baises avec d'autres. Même si je fais pareil, c'est pas la même chose. Ben oui et non, moi j'ai besoin de ma dose, de ma libido. Et casse pas les yeux, que pas celle qui réplique. De toute façon, je veux plus trop qu'on s'explique. Peut-être qu'avec lui, le monde sera à vous, et c'est peut-être mieux ainsi. Donc je me dis que si t'es avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Oh là là. Mon cœur lance pas ma carrière, la la la la la.